Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Asile Plus Sûr sur l'antenne du 94 MHz, l'antenne de Canal B pour le Herzien ou la diffusion internet aussi. Et à partir peut-être du blog de l'Asile, asile35.blogspot.fr, vous pouvez retrouver l'ensemble des playlists, des podcasts et aussi les écoutes en streaming, notamment à partir du mixcloud.com/redman. Cette semaine, émission toute particulière puisqu'elle sera largement consacrée à un musicien londonien, Mick Ops, qui nous a fait le plaisir de sa visite le week-end dernier à Rennes, jeudi soir et vendredi. Je passais pas mal de temps avec lui, juste avant qu'il reparte pour jouer au Festival Invisible aux côtés de Half Japanese. Il joue aussi ce week-end, ce samedi, dans le festival Bébé Mix parisien. Et une petite tournée de 10 jours en compagnie des musiciens suisso-américains. Et on va donc déplier une partie de sa carrière, ce sera plutôt 10 minutes, un quart d'heure, et notamment les différents groupes dans lesquels il a joué. Je pense évidemment à son fameux projet Officer avec un point d'exclamation que j'ai toujours adoré, groupe et formation plutôt des années 80 jusqu'au début des années 90. Il a joué aussi au sein de The Work, mais je propose de démarrer avec une autre formation dans laquelle il s'est illustré. Il s'agit de Family Fodder, qui est le projet de Alig Fodder, un collectif new wave post-punk dub psyché également londonien, créé au milieu des années 70 et qui a commencé à publier à la fin des années 70. Et son tout premier maxi 45 tours sous le titre Sunday Girls, A Tribute to Blondie, vient tout juste d'être réédité par l'excellent label perpignanais de Marcus Detmers, Stop Gold, agrémenté de deux 45 tours de la même époque, les 45 Debbie Harry and Playing Golf, deux EP donc de 1979. Mais je propose d'écouter un extrait de cet excellent 25 cm, certainement plus bizarre peut-être que la musique qu'ils ont pu produire par la suite, avec des morceaux un tantinet pop tubesque. Je pense notamment au fameux savoir-faire The Big Dig ou encore Film Music. On démarre par Family Fodder and Friends. Le morceau s'intitule Disco Purge, ce qui va être une très très bonne démarrage pour se remettre du week-end. Yeah. from amateur's hands. Yeah, gave us when we had to stay. Will shaking still be a delight? D'époque totalement différente et qui n'avait rien à voir l'un avec l'autre, même s'il s'agissait de formations britanniques. Tout d'abord, Family Fodder and Friends et le titre Disco Purge, que vous pouvez retrouver sur la réédition CD ou vinyle, comme vous référez, de ce maxi 25 cm qui était sorti en 1979 sur Parole Records et Fresh, réédité par l'excellente étiquette Staub Gold, et c'était enchaîné avec Volcano The Bear et un extrait de ce coffret quintuple vinyle en édition limitée. Je crois qu'il y en a à peu près 300 exemplaires qui regroupent quantité de titres, des inédits, également des morceaux live comme le Amateur's Blind qu'on écoutait à l'instant, et aussi pas mal de chutes de studio entre kraut, vintage, folk hiérarchique, psychédélisme hallucinatoire, l'occasion de redécouvrir ou de découvrir le combo d'Aaron Moore, Daniel Padden, Clarence Manuelo et Nick Mott, avec ces 4 heures de musique. Il y a même 10 morceaux bonus à télécharger donc pour ceux qui achètent ce coffret qui regroupe leurs 20 années de carrière entre 1995 et aujourd'hui, avec dans ce très beau coffret aussi un livre commémoratif de pas moins de 50 pages qui colligent flyers, artwork et autres textes. Voilà pour Volcano The Bear, c'est publié par l'excellent label Miasma, c'est sorti au début du mois de novembre et je pense que ce sera épuisé d'ici le printemps. Là je vous ai passé un morceau peut-être un tantinet, je sais pas, une sorte de post-prog un peu jazzy bizarre, mais il y a beaucoup de choses de bizarrerie. On vous en proposera certainement quelques autres extraits dans les prochaines émissions. Beaucoup de morceaux, on sait pas trop dans quel bout les prendre. En tout cas, écouter plusieurs heures durant, c'est plutôt assez fumeux. Et juste avant donc Family Fodder and Friends, à l'occasion de cette interview que nous a accordé Mr. Mick Ops d'Officer, donc c'était à l'époque où Mick Ops participait à Family Fodder, fin des années 70, début des années 80, pour ce groupe qui est toujours en activité, de monsieur Alig Fodder. Et comme je vous le disais, donc pas mal de titres bonus sur cette réédition du label Staub Gold. On va pouvoir en écouter une autre à l'instant. Alors je ne sais pas du tout si Mick Ops faisait partie du groupe pour ce 45 tours également de 1979 sous le titre Frank Sumatra. En tout cas, c'est lui qui a fait la photo qui illustre la pochette arrière de cette galette vinyle. Et les deux titres, je crois qu'il y en a quatre, il y en a deux qui se retrouvent sur la réédition de Sunday Girls A Tribute to Blondie. Il y a un morceau particulièrement fameux, The Story So Far, que je voulais vous proposer et qui va démarrer donc cette séquence très très longue autour de Mick Ops. On enchaînera avec le groupe The Work et le fameux 45 tours I Hate America qui était sorti en 1981 sur Woof Records, le fameux groupe The Work dans lequel monsieur Mick Ops officiait aux côtés de Bill Gilonis, Rick Wilson et de Tim Hodgkinson, l'ancien Henry Cow. Mick Ops qui a fait partie de toute cette scène un peu post Rock in Opposition, aussi un peu dans l'orbite des musiciens de This It autour de Cold Storage, le lieu où ils répétaient et enregistraient assez copieusement et s'autoproduisaient les uns les autres. Et on enchaînera avec Officer et le premier disque qu'ils avaient sorti à l'époque chez Aya sous le titre Ossification, enfin le premier, la première galette vinylique. Il y avait eu aussi des cassettes précédemment. Et puis Mick Ops donc nous fera le plaisir de cette interview qui sera entrecoupée de musique, interview enregistrée in vivo chez monsieur Denis Tagu d'Impolisson avec un mini disque. Alors le son est peut-être un peu faible, donc vous m'excuserez de cette interview, vous en jugerez d'ailleurs vous-même. En tout cas, ce sera l'occasion de faire les présentations avec la musique de monsieur Mick Ops que j'ai toujours beaucoup apprécié. On attaque avec donc ce Frank Sumatra and the Mob et ce 45 tours qui était sorti en 79 sur Small Wonder Records. Le morceau s'intitule The Story So Far et on écoute le son dans la galette d'origine, s'il vous plaît. That shines on my cringing lips. Embalm my breast, for it is like a corpse, hot, rank, and savory, with spices from some frozen waste. That you always have to wear. Hello. Bienvenue dans l'asile le plus sûr. Je voulais peut-être démarrer par le very beginning. Oui. Tu as commencé dans une scène rock post-punk, un peu post-rock in opposition, oui. Post-rock de Canterbury également. Au départ, tu étais quelqu'un d'autodidacte ou... Oui, tout à fait. Jamais de leçons de musique de ma vie. Ok. Oui. Un peu dans une constellation musicale aussi autour des gens de Zizid, des gens comme ça un petit peu. Ou... Oui, c'est ça. On a passé beaucoup de temps ensemble à Cold Storage, là ouais. Où ils ont fait leur musique. Et... Oui, c'était un milieu avec... les gens de Henry Cow, This Heat. Et c'est bientôt devenu une chose européenne, quoi, avec Rock in Opposition. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a... quand j'ai commencé à jouer avec The Work, qu'on a tourné en France et en Europe. Et c'est... Oui, c'est un réseau qui a été créé un peu par les musiciens eux-mêmes. Pour assistance mutuelle, quoi. Oui, le Rock in Opposition thing, c'était bien sûr contre les majors. Les choses établies, si tu veux, les majors, oui, comme tu dis. Mm-hmm. Essentiellement, donc, des tournées dans le réseau, et puis en parallèle aussi avec Family Fodder, qui était peut-être moins de la famille, ou je sais pas, enfin, c'était aussi... Oui, c'est un collectif... de musiciens à Londres avec une chanteuse française, Dominique Levillain. Oui, il y avait dans Family Fodder, c'est peut-être une chose plus pop, Mais c'était, oui, c'était à la même période, à la fin des années 70, quoi. Et on jouait un peu dans les mêmes endroits en Europe. Pour The Work, on a commencé avec un festival à Reims. D'accord. Et c'est Dominique Thibault et Aya qui nous ont assisté beaucoup à pouvoir tourner. Et Tim, il était habitué, Tim Hodgkinson, avec Henry Cow, il connaissait pas mal de gens en Europe. Et oui, comme ça, on a pu commencer à tourner et enregistrer. Et on a fait des choses chez soi souvent. Oui. Mais après une certaine période, on peut trouver les studios en Suisse ou en France pour enregistrer. Et oui. Studio les gens de Récré, peut-être. Oui, voilà. Oui, voilà. D'accord. Oui. Et avec Family Fodder, tu as participé donc au premier LP. Et, oui. Et tu as tourné aussi également. J'ai fait quelques concerts avec eux, mais moi j'étais un peu occupé des autres choses. J'ai fait quelques pochettes de disques pour eux, qui m'amusaient, quoi. Oui, j'ai enregistré plutôt que tourné avec eux, disons, oui. Mais Alik Fodder, il reste un ami. Il habite maintenant en Crète. Il est grec. Et oui, il continue à faire ses choses, quoi. Mmh. Et je pense qu'il a ressorti tous les disques de Family Fodder et... Il continue à s'en occuper comme ça, oui. Stop Gold, oui, hein, oui, le label Stop Gold. Oui, Staub Gold, ouais, oui. Staub Gold maintenant, ouais. Oui, c'est un truc allemand, je pense. Oui, oui, oui. Mais en France. Qui est basé du côté de Perpignan. C'est ça, oui. Un peu bizarre, mais ouais, Marcus Detmer, ouais. Oui. Il a une boutique de disques d'ailleurs aussi maintenant, oui avec d'autres personnes. Oui. Et juste hier, j'ai reçu un disque que je connais pas du tout, Oedipus d'Alik, qui a sorti Denis Tagu sur Impolicence. Bon, je vais écouter plus tard. Et Officer, donc, c'était ton projet solo plutôt au départ ou en début des années 80? Oui, plus ou moins. Depuis le début, je travaillais avec Félix Fedorovitch, qui habite toujours en Angleterre. Et lui, il a reçu des leçons, quoi. Il jouait des instruments un peu spécialistes. Fagotto, comment on dit ça? En basson, anglais. D'accord, basson, oui. D'accord. Comme Lindsay Cooper, oui. Oui, c'est ça. Et il jouait les flûtes à bec et les choses comme ça. Et j'ai vu que c'était un mec capable de faire les arrangements pour 14 ficelles, par exemple. Et bon, oui, on a beaucoup collaboré pendant toute cette période, c'était oui. C'était plutôt un projet de vous deux, quoi, oui, c'est ça, principalement. Oui. Les chansons à moi, si tu veux, et lui, il a assisté. Lui, il avait une magnétophone, et je pense que la première chose qu'on a sortie chez Aya, c'était une cassette. On a enregistré le plus pas de pistes sa magnétophone. Bah, le son est assez atemporel d'ailleurs. Je me demandais vraiment comment vous aviez enregistré les albums et les différentes pièces, parce que je trouve que le son a un côté... on ne sait plus dans quelle époque on est. Alors c'est beaucoup la musique aussi qui est très atemporelle. Ça, c'était une volonté aussi que vous aviez de mélanger, en fait. Si tu veux, oui. Félix, par exemple, il m'a introduit aux choses des 13e siècle, du Moyen Âge, quoi, les choses ouais, que d'accord. je connaissais pas, Guillaume de Machaut, et mm-hmm. peut-être ça c'est un siècle plus tard, je sais pas, mais oui, j'ai beaucoup, on a pris plaisir à jouer ces morceaux de cette période. Et pour moi, ça va très bien à côté des choses contemporaines, quoi. Peut-être parce que ma musique est un peu, ça a développé et c'était un peu primitif, quoi. D'accord. Je sais pas. Mais il n'y avait pour moi jamais de contradiction entre les siècles, si tu veux. Bah ça s'entend vraiment oui, dans le propos musical. Il y a autant le mélange rock improvisé que des choses oui. qui viennent d'un esprit oui. un peu pastoral. C'est très, très... Oui, et c'est un peu bizarre parce qu'on essaie, par exemple, avec The Work, de pousser les frontières un peu, d'utiliser les sons... nouveau, quoi. Noise aussi, oui. Oui, oui, oui. Mais oui, pas de contradiction, comme je dis. tu officiais, comme on dit, oui. à la basse et à la guitare. Oui. Ouais. Et la voix, évidemment, avec tes textes. Oui. Les textes, oui, oui. Qui écrivaient tous les... Oui. Et donc, un projet géométrie variable avec, comme on dit en France, donc beaucoup de musiciens. Oui, oui, oui. Changeait selon les sessions. Oui, oui. Toujours, j'ai aimé trouver des musiciens dans les coins différents que je visite. Et, oui, mais en même temps, avoir des gens... je suppose de chez moi qui connaissent la manière de travailler et qui sont un peu stables comme ça, et avec des autres invités, ça marche bien pour moi. Non, ce qui m'a toujours aussi assez impressionné dans The Officer, c'est aussi tous les mélanges de voix de gens d'un peu partout, oui, oui. Autant des enfants et beaucoup de voix françaises aussi, des choses comme ça. Oui. Donc tu as beaucoup collaboré avec les dans le réseau un peu français, donc autour du Festival de musique de Traverse de Reims et Dominique Diebold, comme tu disais. Oui. Donc il y a eu des Français qui ont participé aussi. Oui, j'ai eu de la chance comme ça, quoi. Oui, français et francophile. Oui, on ne doit pas oublier des gens de la Belgique et de Suisse. Oui, c'est ça. Et avec Officer, vous tourniez aussi dans les mêmes réseaux, du coup, vous aviez un peu les mêmes scènes, nous les... Oui, on a... Oui, c'est ça, on a tourné moins. Il y avait une tournée où Débile Mental, le groupe suisse, nous ont pris, et d'accord. On a ouvert des concerts pour eux. Et ça, c'était moi qui jouais une petite orgue et une... Sandia qui jouait violoncelle, et oui, je pense que à part d'enregistrer avec quelques personnes comme Georgie Bourne qui vraiment savait jouer, j'ai toujours pris des gens qui sont pas experte, quoi, de jouer, par exemple, violoncelle. Et... Mm-hmm. Patrick Cartwright, peut-être. Lui, il est expert. Lui, qui... Oui, j'ai été en contact avec lui 7 ans, parce que je me demandais, il habite maintenant en Italie. D'accord. Il fait ces trucs-là, et c'est très bien. J'ai pu... voir ce qu'il fait, il m'a envoyé des liens à sa musique et c'est excellent. Non, mais lui, il jouait vraiment très bien. C'est un mec qui jouait avec... Les gens de la Rapping Dust. Oui, comme ça, oui. Et il continue... Oui. Oui, non, je ne veux pas que que les gens pensent que je les insulte, quoi. Et donc, il y a eu 2 albums longs, des cassettes, c'est ça, dans les années... Oui, oui. Ouais. Oui, on a commencé avec une cassette Aya, et puis après on a enregistré avec l'assistance de différents gens, de Aya encore une fois, et Rec en Suisse, et à Londres, une vinyle qui est sortie, et... un an après ça, on a sorti une cassette, Coff, des choses enregistrées en vivo, comment on dit live, en France, des enregistrements, et on est allé un peu dans un studio à Nancy pour faire des choses. Et oui, on a sorti une simple cassette. Je me souviens, Dominique Diebold m'a dit « Mick, c'est mieux que l'album, quoi. » Il est très gentil, Dominique, quoi. Et donc, des albums, enfin, le premier LP qui a été réédité, Ossification. Oui. Et juste après, je crois que c'est à peu près à la même période, tu as ressorti des pièces des années 90, donc sous le titre Dead Unique. Oui, c'est quelque chose peut-être enregistré aux années 90, oui, comme tu as dit, à Baltimore, aux États-Unis, avec des musiciens américains. Et Je ne sais pas quel était le plan, mais on n'a jamais sorti ça. Jusqu'à, je pense, il y a 2 ans, quand la maison de disques Black is Never Black l'ont entendu, et Kieran, le mec qui s'occupe de la label, il a dit, bon, je veux sortir ça, faire sortir ça. Donc, double album, hein, donc vraiment, il y a 1 heure de pièces. Oui, j'ai été un peu étonné parce que, à mon avis, on a pu choisir la moitié de ça. Mais il dit, bon, c'est un song cycle, et il voulait préserver ça. Et je suis très, très honoré qu'il a eu confiance en ça. Et c'est une bonne amie, Julia, qui l'a mixé. Il me semble, encore une fois, assez frais. On ne pourrait pas peut-être deviner de quelle époque ça vient. Quoi. Et ça sonne officer, justement, pour le mélange. C'est bien qu'il ait respecté le song cycle, comme tu dis. Oui. Parce que du coup, il y a vraiment toutes les composantes qui sont réunies avec des morceaux clarinettes qui partent un peu C'est ça. Mais il y a un côté, en même temps, un peu plus dur avec cette musique. Il y a des morceaux un peu plus rock, quoi. Oui, bien sûr. Et puis un son encore qui sonne un peu dans le post-hard bears et autres choses comme ça. Oui, j'accepte ça. Oui, okay. Don't say much, do do do. Don't say much, just enough to keep in touch. I'm full of love, but that can wait. Do do do, that can wait. Cause like you, I'm full of hate. Look, I say that's a bit strong, isn't it? This one's more of a puzzle. I like a bit of struggle. Signpost to change. Guardian of the soul. But love is not love. Struggle. Love, love, love's love, love. And this is crystal clear. And fame, I would not hear any contradiction of this basic principle, and right now I'd like to cuddle struggle. With me, I like a damn good puzzle. Frowning, pacing, and scratching of the head. And you are quite a puzzle. Impenetrable as a broken TV. What you're doing to me gives me all the satisfaction of missing the bus. Well, I like the walk and the puzzle. And I know your philosophy, 'cause gun in hand you show it. Different types of pig, them with guns, them the pig. I'm like you, not much to say, do to do, much to say, but I can't quite say. avez fait un concert à la rentrée là, en septembre. Oui, c'était pour fêter 5 ans de l'existence de la label, un concert à Londres, à l'Institut d'art contemporain, un bon lieu où j'allais il y a des ans voir des concerts, alors un grand plaisir de jouer là. Et oui, il y avait Jacques Perrocal et David Fenech et Vincent Teplet qui jouaient. Et ça nous a donné un public nouveau, notre génération, quoi. Des jeunes qui connaissaient un peu déjà la musique. J'étais un peu étonné, mais très content de ça. Voir le renouvellement des générations aussi. Oui, oui, oui. C'est bien, il y a certains maisons de disques qui cultivent leur public, qui informent bien, et comme ça, oui, vous pouvez jouer devant des centaines de personnes qui connaissent un peu la musique, et ça donne de l'assistance, quoi. Oui, oui. D'autant que c'est un label qui décloisonne aussi beaucoup, parce que c'est vrai qu'il est dans les musiques électroniques quand même. Oui, oui, oui. Mais Kieran, le mec, pour lui, encore une fois, pas de contradiction. Broad church is the expression en anglais. Ça veut dire que ça contient beaucoup de choses un peu variées, quoi, et pas de contradiction, oui. Et pour la version concert, donc tu as réuni un peu différentes personnes qui étaient autour de toi. Oui, c'est ça. Encore une fois, des différentes générations. Si j'explique, la même maison de disques, il y a Flaming Tunes, un projet des années 80. Ils ont réalisé, Et ça, c'est un disque que j'ai sorti pour commémorer, si tu veux, Gareth Williams, qui est mort. Mais oui, c'est avant officier, Kieran l'a entendu de Black is Never Black, et il a voulu sortir ça sur vinyle. Alors je savais que ça ferait plaisir à lui au moins de faire quelques morceaux de Flaming Tunes, et je joue avec Mary Curry, l'autre moitié du projet, quoi. Alors on a pris plusieurs chansons de Flaming Tunes, un plaisir de jouer ces morceaux que j'adore, moi. Et il y avait le fils de Mary, Ed Bernays, qui jouait la batterie avec nous. Et puis une très vieille amie, Joey Stack, avec qui je jouais dans un autre projet, Lo Yo-Yo. Et on est en train de ressortir un disque d'eux. Mais avec sa fille de 16 ans, Tilly Bean, qui jouait basse avec nous. Et puis Lydia Fischer, une Française que je connais depuis très longtemps, qui a enregistré avec Officer. Elle joue la flûte et trompette et différents instruments. Oui, alors comme ça, j'ai pris encore une fois les gens autour de moi pour faire un groupe, quoi. Oui, oui. Ouais. Et avec des pièces qui ont été enregistrées aussi un petit peu, et l'idée de continuer. Oui, on a pris des choses de différentes périodes, et un exercice intéressant de prendre des choses du début et les choses un peu plus modernes que ça, oui. Et là donc tu es venu pour une tournée européenne avec les musiciens américains de Half Japanese. C'est ça. Oui. Un groupe avec lequel tu joues depuis 25 ans, comme ça. Ça existe depuis longtemps, et encore une fois, on voit ce phénomène d'une nouvelle génération de gens qui le découvrent. Il y a eu des gens un peu connus comme Kurt Cobain, Beck, et E.M. et Neutral Milk Hotel qui ont beaucoup aimé la musique de Half Japanese et ils voient quelque chose d'important culturellement en ça. Oui, alors c'est oui, on commence à jouer à partir de demain encore une fois et je suis confiant que le public sera un mélange des générations, oui, des gens comme ça, choses, oui, comme oui. Tu dis, oui. Et donc autour de Jade Fer, c'est une formation qui est plutôt stable par contre. Pour le moment, oui. Et depuis assez longtemps, parce que le personnel de Half Japanese a beaucoup de personnes dans 30 ans de faire des choses ensemble. Et Jade, il a sorti tellement de matériel, quoi. Et tu disais plus que les Beatles et les Stones. Oui, ensemble, oui. Et ça, c'était il y a 15 ans. Alors maintenant, je n'ose pas penser, quoi. Plus que Cecil Taylor et oui. John Coltrane. Oui, voilà, comme ça. Et donc là, il y a un projet de nouvel album aussi. Il y a oui. un album long il y a un an et demi à peu près. Oui. Ouais. Qui est en cours de pressage, c'est ça, avec les délais. Oui, c'est avec un label américain, Joyful Noise Recordings, qui ont sorti les derniers deux disques. Mais on fait aussi les choses avec Fire Records de Londres. Et oui, c'est intéressant d'avoir deux différentes maisons de disques. J'imagine qu'il y aura aussi une tournée américaine à la sortie de l'album ou... Oui, on a quelques problèmes pour jouer aux États-Unis pour le moment. On a refusé au batteur suisse l'entrée l'année dernière. Je pense que prochaine fois, il doit avoir des papiers pour faire ça. Ça c'est plus compliqué et plus cher. Oui, d'accord. Okay. Oui. Il faut un peu de temps pour organiser ça. Mais oui, je serais déçu si on ne peut pas jouer aux États-Unis parce que ça, ça j'aime beaucoup faire. Oui. Oui, depuis le début des années 90, tu y vas assez régulièrement. Et, ouais. Oui, oui, oui. Et donc là, vous enregistrez des pièces, des nouvelles pièces aussi en France d'ailleurs. C'est ça, dans un studio à côté de Cherbourg. Et moi, je viens de faire un jour de commencer les choses acoustiques. Jade Fair a demandé que je fasse des choses avec guitare acoustique, mais j'ai pas complètement suivi ses commandes, quoi. J'ai introduit un peu de théremine et autre chose dans ça, mais oui, et puis après jouer le premier concert, un festival à Brest, on va retourner au studio pour faire 2-3 jours ensemble. Et puis à la fin, Lydia, dont j'ai parlé avec Officer, elle va nous rejoindre pour ajouter quelques instruments devant. Et quoi. Ça, c'est du matériau pour le prochain qui doit sortir. Non, c'est pour après. Oui, c'est comme une usine, quoi. Oui. Oui, oui, oui, c'est. The production line, yeah. D'accord, je te remercie pour toutes ces explications, et Mick, et on te souhaite bonne route. Merci bien. Bonne tournée. Merci bien. Et au plaisir. Cheers. Thank you. like so often. I was the laughing stock of the dark side. When I was seven, my evil father poisoned my man. Tied up and gagged me. Versant pop de l'asile le plus sûr sur antenne du 94 MHz avec cette rencontre en compagnie du très francophile Micops. J'espère qu'elle vous aura tout autant plu qu'à moi, qui ai fait sa connaissance le week-end dernier. Donc je proposais une interview au coin du feu enregistrée grâce à la bienveillance de monsieur Denis Tagu du label Impolisson, lui qui avait produit un disque de The Work au début des années 90. On a écouté au milieu de cette interview différents titres du projet Totally Cranky et Fantabulesque Officer de Micops, qui a été redécouvert l'an dernier grâce à l'excellent label Blackest Ever Black, le disque sorti de pièces des années 90 Dead Unique. À l'instant, il s'agissait d'une cassette de 1983 qui a été rééditée aussi en 45 tours par Blackest Ever Black sous le titre Life at the Water's Edge, et on a écouté aussi des extraits de Ossification. Le disque était sorti chez Aya Records en 84, réédité grâce au bon soin de Megaphone et Knock Them Dead Records. On entendra certainement reparler de monsieur Micops sur cette antenne, peut-être un nouveau projet Officer avec qui sait peut-être de la musique médiévale so British. Voilà, on On va continuer avec une musique, cette fois, de mélange free et aussi improvisé, un peu théâtre sonore. Un projet dans lequel on retrouve le trompettiste Jean-Luc Capozzo et la contrebassiste Joëlle Léandre en compagnie d'amis américains. Douglas Ewart est au sax sopranino, cor et autres flûtes. Bernard Santa Cruz est à la deuxième contrebasse et Michael Zerang à la batterie. Le disque s'intitule Sonic Communion. Il est sorti sur une toute nouvelle entité sous le nom de The Bridge Session, qui est une plateforme d'organisation d'échanges transatlantiques, principalement entre la scène de Chicago et l'Hexagone, avec la coordination de monsieur Alexandre Pierrepont, notamment, lui qui vient de sortir une très très belle anthologie autour de l'ACM de Chicago. Et c'est un disque qui a été enregistré live en octobre 2013 à Avignon. Et si vous vous intéressez au croisement entre le jazz français un peu free et les scènes américaines, je ne peux que vous conseiller la balade sonore, la deuxième, qui aura lieu à la Maison de la Grève cette semaine, ce mercredi 25 novembre, autour de la naissance du free jazz à Paris. Ce sera à partir de 19h au 37 rue Le Graveran à Rennes. Et vous avez la possibilité évidemment de retrouver le programme de la Maison de la Grève et les cantines les mardis, mercredis et jeudis. Programme sur le site maisondelagreve.boom. On écoute le titre Planet Earth Folk Song de ce quatuor, ou plutôt même quintet, et le disque Sonic Communion produit par The Bridge. Oh, my God. Sonic Communion, le quintet de Bon Sauvage qui regroupe Jean-Luc Capozzo, Douglas Ewart, Joël Léandre, Bernard Santécruz et Michael Zerang sur un CD produit par The Bridge Session, sorti en parallèle du livre du même nom d'ailleurs d'Alexandre Pierrepont, The Bridge, autour du collectif l'ACM. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup penser à ce que pouvait produire l'Art Ensemble of Chicago vers 1969 à Paris, sorte de musique de croisement avec beaucoup d'influences extra-occidentales. Voilà pour ce quintet qui nous permet de nous acheminer vers la fin de l'émission. Je vous rappelle que l'intégralité de cette playlist est entièrement podcastable avec les titres, les liens et des vidéos à partir du site asile35.blogspot.fr. On se quitte avec un dernier titre et le Johnny Tafta Anti-Végétarian Orchestra. C'est libanais qui regroupe des musiciens de Malayin, Scrambled Egg et le A Trio. Je vous ai proposé déjà un extrait de ce très beau vinyle publié par le label britannique Discrépante. C'est sorti au mois d'octobre. Et là, je vous propose de conclure avec le bonus en téléchargement proposé par Discrépante de ce disque plutôt d'obédience un peu free rock, un peu entre free et psychédélisme par ces musiciens libanais. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. off on his way home from the battery factory. Tonight was to be no exception, and yet he continued on, and home. Rushing to the toilet on the first floor landing, she tore open the Castella tin, which, instead of the bundle of well-thumbed wage slips you might have expected to see, contained only a very nice piece of paper on which was written, "It's a cross between a peach and something further out of reach. They cost $1 million each, and they're based on the rhythms of natural speech. There would be no going back from there." Bloodthirsty candlestick man. Jamaica. Someone's at the door. Someone's at the door. Yes, someone or something at the door. Someone's at the door. I get the impression that this someone. Someone's at the door, but I won't be.